C'est pas terrible au synthé. On peut mieux faire. Le 25 novembre, 74, c'est l'année. J'ai la carte son qui craque. Pourquoi ça craque aujourd'hui? Il doit y avoir une mise à jour sur moi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah voilà, et voilà. De nouvelles mises à jour. À chaque fois ça me fait le coup. De nouvelles mises à jour.